impliqué dans la zone. Oui, c'est, même les manuscrits, oui, c'est ça. Des tas de papier avec du cuir. Mais sinon, bon, voilà. Laissons tomber de l'aspect registre. Parce qu'il y a collection de formules que nous, on a en Europe, dans tous les lieux, que ce soit dans l'église, les commerçants, tout ça. Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est, vous avez trouvé une feuille, tel modèle de lettre, tel modèle de lettre. Ouais, est-ce moi j'ai fait une compilation. Ah ouais, il y a quelques. Il y a quelques compilations connues, mais je dois avouer que moi j'ai trouvé par hasard ces folios dans deux bibliothèques. Mais ce serait vraiment intéressant, avec le plus de catalogage qui est fait, de voir où se trouve, dans quelle bibliothèque se trouvent ces formulaires. Et moi je serais pas surprise de savoir qu'on les trouve vraiment partout, parce qu'il fallait quand même apprendre ces formules. Mais c'est des formulaires isolés ou on les met ensemble pour différents types de cas, par exemple? Il y a la procuration, il y a les contrats. Et donc ils sont rangés ensemble dans les catalogues, ils sont où on les trouve au hasard des recherches. C'est le hasard. D'accord. Quand j'ai fait mes recherches, il n'y avait pas de catalogue. D'accord. Mais maintenant, il y a plus de catalogue. Et c'est vrai que c'est une bonne question. On ça, c'est pas, dans le cadre de cette nouvelle recherche, pour voir pour voir l'étendue de cette legal literacy. Ce serait vraiment important de calculer, avec ce qu'on a maintenant, de voir quelles bibliothèques ont ces formulaires. C'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est quoi votre nom? Isabelle. Ici, on a deux collègues, enfin Isabelle qui travaille avec un autre collègue qui n'a pas pu être aujourd'hui, qui travaille vraiment sur les manuels pour les marchands, etc. Pour l'Europe, à la fois la comptabilité. Sur le marché européen, Rouen, en vert, l'arc atlantique, et toujours ce point marocain qui l'intéresse fondamentalement du fait des Rouennais, mais aussi d'autres Européens qui sont très très tôt au sud du Maroc, dans votre région, là, à Cap de Gué, c'est là, c'est le départ de vos caravanes, j'ai l'impression. Cap de Gué? Ouais, en français, on appelle ça Cap de Gué. Je ne sais même plus comment ça s'appelle en Maroc. Donc voilà, c'est au sud de Marrakech, cette zone-là. Enfin, j'ai l'impression que sur votre carte, c'est vraiment le. Ouais. Et donc, il y a le français qui a. Enfin, le français. Et ça s'écrit comment? Cap, C-A-P, et puis de Gué, ça dépend des. Ça dépend mais c'est des sur la côte. Oui, sur la côte. Ah ouais, c'est le Cap Juby. Oui, sans doute. Ça. Et donc, en face, nous, on voit. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ils apportent l'étoile essentiellement et repartent à l'époque avec le sucre. Et le thé. Et le thé, on ne le voit pas. Il est peut-être dans les cargaisons. Et on ne les voit pas tellement apporter le papier. Mais voilà. Oui, parce que c'est vrai, c'est intéressant. Donc, c'est quelle époque? Le 19e siècle? 16e. Oui, 16e. Il faut peut-être qu'on essaye d'attraper Jacques, parce que Guylaine est encore là quelques jours. Donc si vous pouvez vous voir même en dehors du séminaire. Donc Cap de Gué, je ne connais pas. Mais ça doit être dans la zone, parce que... Oui, c'est dans la zone. Il y a Agadir. Oui, voilà, c'est dans la zone d'Agadir. Non, mais c'est, en fait, c'est une plage où il débarque, et enfin, on n'a pas une plage immense. Et alors, sur votre tapis, là, ça, moi j'ai des collègues, alors médiévistes pour le coup, qui travaillent sur le tapis. Et donc j'ai appris grâce à elle, le papier médiéval, qu'il n'y avait pas de filigrane sur les papiers arabes. Et donc, espagnols-arabes, arabes-espagnols. Et le papier qu'ils utilisent au 19e, que vous avez donc vu, il est comment ce papier du 19e que vous avez au Sahara? Bon, ça, c'est de différentes origines. Hein. C'est du papier industriel ou... Bon, non, il y en a un peu de papier industriel, mais Mais il y avait une préférence pour le papier qui est fait de manière traditionnelle. Oui, donc, c'est ce qui m'a semblé. Voilà. C'est le papier d'Italie. Parce que c'est eux qui ont continué le plus longuement. Voilà. Et sans les vergers. Les... C'est ça, hein, c'est de la pâte. Sans le... dans le moule, il n'y a pas les vergers comme ça. Les... Oui, il n'y a pas de petite baguette. Là. Ah oui, non. Et ben, il m'a semblé sur les photos que c'était du papier et de la pâte comme ça, avec juste passé sur le tamis. Mais très peu de. On voit très rarement des filigrammes. Oui, c'est ça. En parlant de ça, il y a dans les patawas d'un Marocain qui s'appelle Ahmed Al-Wanchalisi, qui sont publiés, qui ont été traduites, que des personnes comme Schatzmiller. Vous connaissez Schatzmiller, qui travaille sur l'Espagne. Elle a beaucoup travaillé sur ces documents. Sur ces fatwas, c'est une compilation. Il y a une fatwa d'un gars, qui s'appelle Al-Makrizi, je crois, de Tlemcen, là où on fabriquait du papier, on lui a adressé la question, mais est-ce que, parce que c'est justement à l'époque où on ne produit plus de papier dans la zone, et les utilisateurs du papier sont. Ils sont gênés d'utiliser des papiers qui viennent d'Italie, ou on ne sait pas, mais en tout cas du papier avec un filigramme où on voit la croix chrétienne. Oui. Alors lui, il dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous écrivez la la la la au-dessus du filigramme, donc ça purifie le papier. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'appelle Leor Halevi, travaille un peu sur ces questions, et je crois qu'il a un chapitre sur cette fatwa, justement. Donc c'est des questions d'origine de papier qui se posent. Mais aussi il y a beaucoup de papier qui vient moi je ne suis pas spécialiste du papier, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vient d'Inde. En tout cas les indices oraux parlent de l'Inde comme une source. Et bien sûr le pèlerinage c'est le biais le plus important pour le commerce du papier. Parce que les pèlerins, ils reviennent avec beaucoup de papier, ils reviennent avec des manuscrits. C'est vraiment par ce biais que ces bibliothèques se fournissent les volumes les plus importants de documentation. Donc ça ne m'étonne pas que votre collègue ne voit pas du papier sur la côte, parce que c'est quelque chose qui est venu. Moi, je vois ça pour le Sénégal, puisque. Au sud, à Saint-Louis du Sénégal, ça commence à infiltrer, on voit le commerce de la gomme et le papier qui s'infiltre dans les échanges commerciaux. À partir du vraiment fin 17e, début 18e. C'est vraiment intéressant ces histoires de matérialité du papier parce que c'est vrai que le registre lui-même c'est aussi vu comme un élément contre la fraude, etc. Enfin, quand on accepte la preuve par papier en Europe, c'est aussi lié à certains types de papier particuliers, évidemment. Et puis au fait d'avoir un registre avec des pages numérotées où on rajoute rien au milieu. Enfin, donc je pense que c'est une belle question sur le papier et le droit en fait. Et ouais, c'est très étonnant et intéressant cette histoire de preuve par le papier ou pas, etc. Parce que, en fait, j'ai retrouvé ça un peu dans des débats entre la France et l'Angleterre au 19e siècle. Mais bon, en France, on a l'enregistrement, le papier d'État, finalement, qui est aussi une source de taxes. Et donc, qui légalise. Quoique, en fait, non, puisque justement, dans les procès commerciaux, un des enjeux, c'est qu'on puisse admettre des preuves sur du papier qui n'est pas timbré. Parce qu'il y a la fraude. Mais parce que sinon, en fait, c'est trop compliqué de prouver avec du papier timbré ou des témoins uniquement. Et donc, il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'on peut utiliser la correspondance normale sur du papier qui n'est pas timbré et qui n'est pas dans un registre comme élément de preuve en justice. C'est très débattu au 19e siècle encore, notamment entre les systèmes anglo-saxons et français. Mais en France, à ma connaissance, c'était admis même déjà avant, en fait. Et ça pose beaucoup de questions vraiment intéressantes, cette histoire de est-ce qu'il faut un témoin avec un serment ou est-ce qu'il faut du papier. Et ce qui est amusant et peut-être à creuser par rapport à ce que pensent les économistes en général, c'est qu'au 19e siècle, c'est les Anglais qui veulent une preuve avec un témoin qui prête serment et qui est physiquement là et avec cross-examination, mm-hmm. alors que les Français, ils prennent la correspondance et puis voilà. Mais, et les commerçants sont très partagés sur ça parce que, et là, c'est là où ça rejoint peut-être ton histoire, mais... Quand on est sur du commerce de longue distance, faire venir le témoin qui a vu la transaction, si c'est un capitaine qui est actuellement en Amérique du Sud, c'est un peu long et coûteux. Ah oui. Et finalement, ils se résolvent à utiliser n'importe quel papier comme élément de preuve. Mm-hmm. Mais c'est une longue histoire compliquée et où il y a quand même cette histoire du timbre et du papier d'État qui joue, mais... En même temps, comme tu disais, en Europe, le papier, il a commencé à être accepté avant qu'il y ait un État central, fiscal. Et... Mm-hmm. Parce qu'il est enregistré. Mais on pourrait dire, là, il n'y a pas d'État, effectivement, donc il n'y a pas de papier enregistré. Mais à Montpellier, au XIVe siècle... C'est les notaires. C'est-à-dire qu'il y avait des institutions d'enregistrement. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment intéressant, question de l'enregistrement. C'est la question du notaire. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui joue le rôle? C'est pour ça que je me demandais, où est maintenant? Est-ce que le cadi peut jouer ce rôle-là? Ou quels sont ces maintenant, types? Tu veux dire À l'époque. À l'époque, oui. Est-ce que c'est dans ces maisons-là qu'on trouve? Je ne sais pas, justement. Ça change avec la colonisation. Ah oui, justement. Moi, c'était ma grosse question. Ouais. Est-ce que les 285 qui arrivent d'un coup au 19e, est-ce que quand même la colonisation, la longue continuité, je me demande qu'est-ce qui a changé la colonisation, quoi. Mm-hmm. Je ne sais pas du tout, mais est-ce qu'il n'y a pas eu ce moment de frottement des droits et ça doit être quand même un terrain assez passionnant justement pour voir qu'est-ce qui se passe là Et en fait, si je peux ajouter à la même question, même avant la colonisation, j'imagine qu'ils savent que dans d'autres systèmes commerciaux, on accepte une preuve écrite. Est-ce qu'on a des traces du fait que ça a été discuté et qu'ils aient dit non, nous, je ne sais pas, pour l'islam, il faut le serment ou... Moi, je n'ai pas trouvé, aucune fatwa là-dessus. Mmh. Mmh. Et cet été, j'ai interviewé pas mal, je suis allée à Fès d'ailleurs. J'ai connu un spécialiste de la loi, mais moderne, mais aussi qui fait partie d'une famille de Fradi. Donc, il a la formation traditionnelle et il a enseigné à l'université de Fès. Et lui, il savait tout à fait de quoi je parlais. Mais un autre historien qui était là, il m'a dit, mais non, on a toujours accepté la preuve par écrit, parce que la colonisation française a tellement changé qu'ils ne peuvent pas s'imaginer un autre système. Et le gars, il était en colère que je puisse proposer que le système musulman était défaillant à quelque part. Bien que je ne parlais pas de manière directe comme ça, je disais mais ça ne marchait pas comme ça. Que c'est complètement effacé en fait la tradition légale d'antan. Et alors justement, dans la mise en place de ce système colonial et donc d'un droit commercial français ou pas, c'est ça que je ne sais pas du tout. Ça, moi, c'est une énorme question et j'ai l'impression que ça n'a pas du tout été travaillé, mais je ne sais pas. Est-ce que le droit commercial appliqué dans les colonies est le même qu'en métropole ou est-ce qu'on invente un droit commercial colonial? Comme c'est le cas pour le code de l'indigénat ou pour plein d'autres types de droits. Il y a quand même des systèmes de droits mis en place par les coloniaux et qui ne sont pas uniquement métropolitains, qui s'adaptent, soi-disant, ou qui norment. Ou... Et du coup, sur la sphère commerciale, je n'ai jamais rien lu là-dessus. Et vraiment, je me demande s'il y a des choses, et notamment dans tous les traités de droit et les thèses de droit des juristes à l'époque, français par exemple, il doit y avoir des descriptions du système qui existe en disant « nous, on va changer parce que ça ne fonctionne pas ». Est-ce que vous avez trouvé des trucs là-dessus? Non. C'est vrai, très riche c'est une super question. Le commerce, c'est la motivation principale de la colonie. Mais oui. Moi, je sais qu'ils mettent des tribunaux de commerce à Alger pratiquement dès la minute où ils mettent un orteil à Alger. C'est la France. Oui, je sais. Mais après, est-ce que ça s'applique sur le Sahara et puis, est-ce qu'ils appliquent le même droit? En Angleterre, c'est fascinant parce qu'ils codifient le droit commercial en Inde alors qu'il n'est pas question de le codifier en Angleterre, par exemple. Enfin, c'est clairement un truc différent, mais Pour l'Empire français, aucune idée. Oui, je m'étais posé la question sur le droit des étrangers, notamment. Ouais, ouais, que, ben, ouais. Qu'est-ce que c'est que le droit de la nationalité? Et j'avais demandé, enfin, il y avait une étudiante qui travaillait sur les entrepreneurs marocains, et je lui avais dit, mais il faut d'abord comprendre ce que c'est que le système légal au 19e au Maroc. Pour fonder une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a, quel est le droit qui régit les entreprises? Je ne sais pas du tout ça. Oui, est-ce que les partnerships des caravanes, ils sont allés s'enregistrer un moment, quelque part? Oui, mais l'enregistrement, je ne sais pas comment il a fonctionné. Parce qu'en fait, ce que faisaient les locaux, du moment où ils amenaient les produits, il y avait quand même des parties depuis le traite de l'esclave, l'esclavage, c'est à tous ces rapports, ces accords de confiance, etc. Ces crédits, surtout oraux, qui se passaient. Mais ouais, c'est fascinant comme question. Mais je voulais simplement ajouter pour cette question des Britanniques, qui sont quand même archaïques dans leur insistance de témoignage oral, que récemment, pas plus tard que janvier, Naomi Lamoureux est une collègue à UCLA, qui maintenant va aller à Yale avec Francesca Trivelato. Son père est décédé et ils étaient en train de faire l'héritage. Et le will, comment tu dis le will déjà? Testament. Le testament avait été fait il y a longtemps par une boîte qui n'était plus. Et qui avait été signé par des avocats qui étaient morts. Donc il a fallu qu'il, par la preuve orale, qu'il confirme l'existence, enfin la validité de ce testament. Juste en 2010, US. Donc c'est un peu ce rapport à l'oral et à l'écrit, c'est pas très étudié, je pense, sur le système légal comparé en plus. Même sur l'état civil. Ouais. Enfin, sur l'état civil, quand les preuves de l'état civil ont disparu, encore en France, aujourd'hui, on fait serment et les témoins doivent venir dire « Je sais qu'il était là, qu'il est né à tel endroit. » Enfin, il y a un recours quand même aux témoins. C'est vrai. Encore, pareil, c'est intéressant, ça. Et sur le rapport chez les juristes français, je ne sais pas, il faudrait voir. Mais une des choses qui m'a intéressée beaucoup dans l'exposé, c'est que le Hadi, pour mes sources sur l'Europe au 19e, en fait c'est le repoussoir de la justice arbitraire, irrationnelle, etc. Ce que ça n'est pas manifestement, mais qui n'a pas de règles. Donc chez Weber c'est très présent, enfin, pour lui c'est le contre-modèle de la justice favorable au capitalisme en fait. Mais en fait déjà dans les romans de Balzac, la justice de Caddy, c'est vraiment, ça veut dire quelqu'un qui fait n'importe quoi selon ses rapports avec les personnes, en fait. Et il y aurait une étude à faire de comment cette vision du crédit s'est répandue en Europe, quoi. Parce que... Quel bouquin de Balzac? En fait, je crois qu'il en parle plusieurs fois à propos... à propos des juges du commerce en France, en fait, en disant que c'est pas des vrais juges parce qu'ils ont une justice de radis, parce qu'ils prennent en compte les personnes et une espèce de notion de la morale et pas seulement le droit. Ce qui est un peu ce que dit Weber aussi, si je me rappelle, c'est que le radis, c'est une justice substantielle selon des normes morales et c'est pas du droit formalisé et prévisible. Ouais, pas de code. Voilà, alors qu'en fait, bon, manifestement aussi. Mais peut-être que l'oralité est aussi un indice d'archaïsme vu par ces auteurs-là dans l'époque au 19e moderne, siècle, puisque il y a un recul. Mais moi je me demande si Balzac ces histoires de Hadi, parce que ça doit être vraiment la culbutation de système du système colonial en Afrique du Nord. Et c'est ça que je me demande, avec ces Hadi qui en fait n'ont plus de boulot et sont ramenés à être ridiculisés par l'administration. Ça joue sans doute. Mais du coup, quelles sont les sources de Balzac? Un peu antérieure à la colonie. Ben, je me demande parce que je pense que... Mais je pense qu'il y a un truc 19... Balzac reprend des trucs 18e, je pense, sur l'Empire ottoman, en fait. Mais j'avais un peu suivi ce fil-là à un moment, puis j'ai abandonné. parce qu'en fait, il suffit de chercher Hadi dans Frontexte. Ah oui. Je vois assez bien. Voilà. Mais ouais, enfin, il y aurait à voir ça, et notamment comment ça change ou pas dans le contexte colonial. Parce que le contexte, il n'a pas les thèses de droit. Non. Et du voilà, coup, c'est peut-être des fois où tu peux te dire qu'il y a eu d'autres types de sources chez Balzac. Enfin, tu vois, ah ouais, mais bah, ouais, c'est clair qu'il connaissait le droit, ouais. Mais je sais pas du tout, ouais. C'est intéressant le truc ottoman, parce que les Ottomans, ils ont vraiment ils ont établi un système différent. Enfin, c'est pas différent, mais ils ont centralisé un système légal qui devait opérer de partout. Et que dans ce système-là, le Hadi a perdu sa réputation. D'accord. Donc c'est sans doute. C'est peut-être ça aussi. C'est dans ce domaine-là où le Hadi devient un objet de ridicule. Parce que le système ottoman a fait, afin d'assurer, un respect de l'Empire, on a envoyé les Hadis qui n'étaient pas locaux. Donc on ne pouvait pas être Hadi dans un bled si on était de cette zone-là. Donc il y avait une circulation de Hadi et c'était temporaire. 2 ans, tous les 2 ans, et donc localement ils n'avaient plus de répétition, ils n'étaient pas respectés. Donc sans doute c'est super intéressant. Puis ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert, il y a une personne, maintenant j'oublie le nom, mais j'en fais référence dans mon article, qui s'est intéressée au diwan, ce qu'on appelle les diwan des Hadi, pour savoir si on faisait référence, pour voir s'il y avait un enregistrement. Et la chose, c'est que le comportement, c'était que le Hadi, une fois qu'il a plus de fonction dans cette localité, on ne peut pas utiliser ce qu'il a écrit. On peut en faire référence comme source informationnelle, mais on ne peut pas faire des décisions basées sur son diwan. Parce qu'il n'est plus... Ouais. En opération, ça c'est lié à sa personne en fait. C'est lié à sa fonction, au niveau de sa fonction. Donc même les documents écrits là, où il y a des témoins, etc., peuvent être rendus caduques. Ouais, non, c'est vrai que ça ouvre tout un monde, une perspective pour qui peut expliquer beaucoup de choses. C'est vrai que c'est très intéressant de comparer avec l'Empire ottoman pour pas réifier le fait que c'est l'islam qui, ou manifestement, là, il y a des fonctionnements légaux extrêmement différents, en fait, par rapport à ton commerce saharien. Et ça, c'est intéressant, le fait que, alors, c'est un peu un paradoxe, malgré tout, de l'extérieur, qu'il y a une prégnance de la religieuse, avec cette référence à Dieu, et en même temps, l'existence de circuit totalement interreligieux. Moi, je trouve ça assez passionnant. Et formellement, comment ça se passe? C'est-à-dire, ces juifs qui donc sont dans les mêmes circuits, hein, que c'est, si j'ai bien compris, hein, dans le chapitre, c'est ça. Ils circulent pas beaucoup. C'est ça, ils sont plutôt. D'accord. J'en parle un peu ici, mais là, je commence à me renseigner plus. Sur ce sujet-là, parce que quand même, bon, c'est pas mon frère le juif ou mon frère le musulman, peut-être mon frère le musulman, mais mon frère le juif, non, parce que quand même, il y a tout ce discours anti-juif qui se manifeste dans l'écrit. Donc je crois même que j'ai, dans ce chapitre, je parle de chaque fois que Shalom est mentionné, ils disent mais que Dieu... curse his sect. Donc il y a toujours cette discrimination qui est activement perpétuée par le discours de ces agents légaux. Non, mais ça, c'est ça qui est vraiment intéressant, justement. C'est-à-dire que, et ça n'empêche pas le commerce. C'est ça qui est... Moi, j'ai en fait un même cas où c'est une entrepreneuse juive, polonaise, qui vend à des mineurs catholiques juifs polonais. Et tout le commerce est le crédit entre elle et eux. Mmh. Et il y a un antisémitisme incroyable de la part des clients, hein, qui disent « Ah, c'est juif, etc. » Elle aussi, elle les considère comme des... Mais tout économiquement les lie. Et c'est intéressant de voir que le crédit peut être fait, donc la confiance, par rapport à d'autres choses, mais la confiance économique, et que ça ne crée pas du tout du lien social. Hein. Mm-hmm. Ce n'est pas du tout une création de lien social. Oui. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est l'articulation des... Plutôt que l'espèce de grand mythe que la confiance donne... Enfin, qu'en fait, ça peut aussi se faire avec de la défiance sur certaines scènes. Et puis, en même temps... La langue, la localité, ça, je trouve ça hyper intéressant, le fait qu'il y ait le partage d'une localité fait qu'il y a du lien et du coup... donc je me demandais... Ça détribalise ce système réseau qui ont été vraiment vu de manière un peu schématique. Et du coup, je me demandais s'il y avait des preuves écrites, enfin justement, finalement c'est une mauvaise question, mais des documents où il y a donc ces... des liens mis en scène entre les deux, et quels sont, alors, donc, vous dites qu'il y a des... Mais justement, dans cette... dans ce fameux document-là de... C'est peut-être un peu simpliste de dire que c'est une relation de dépendance entre un groupe interreligieux. Parce que, bon, les juifs peuvent pratiquer l'usure avec les non-juifs. Et de la même manière que les musulmans peuvent pratiquer l'usure avec les non-musulmans. Donc c'est un mariage de raison. Oui. D'intérêt. C'est comment j'ai dit ça dans ce truc. C'est une dépendance mutuelle, mais c'est pas l'amour. Oui, parce que c'est... Et donc là, je m'intéresse à voir les discours là-dessus. Parce que, bon, on dit dans le kit que c'est makrouh, que c'est répréhensible, mais c'est pas interdit. C'est pas haram. Et par ailleurs, pour les juifs, je commence tout juste à lire les Mishnah Torah de Maïmonides pour savoir de l'autre côté. En tout cas, dans la pratique, c'est ça aussi qu'il faut voir, que ce qui est écrit, les codes, c'est vrai qu'il y a quelque part, il y a une espèce de radis justice, dans le sens que, bon, il y a des codes, mais en fait, c'est les pratiques et les cultures qui se développent autour. Et c'est pour ça que, par exemple, même pour l'écrit, Baber Johansen a trouvé dans localité dans l'océan Indien, où les commerçants ont décidé qu'ils allaient utiliser l'écrit comme preuve. Parce que ça va être leur motion plan. Donc en fait, ils se mettent d'accord. Et c'est ça que je pense qui se passe. C'est que là, dans cette histoire, le mufti, il dit au qadi, non, ça, ce que tu as fait, on peut le discredit it. C'est discrédité parce que c'est pas dans les normes. Mais en fait, ce que faisait le Kradi, c'est ce que tout le monde fait. Et tout le monde le fait jusqu'à ce qu'on pointe le doigt. C'est comme tout le monde traverse la rue quand c'est rouge. Il n'y a pas de problème jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Et donc c'est le behavior qui est différent de ce qui est légal. Et justement, comment on fait avec les juifs s'il y a besoin d'un serment ou choses comme ça? C'est ça que je pose à la fin de ce papier pour la conférence de Ghent, que comment est-ce qu'ils choisissent leurs témoins? Ils doivent se mettre d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, la chose ce que je dis, c'est que les Ahl al-Kitab, c'est-à-dire des people of the book, les gens du livre, donc c'est le même Dieu. Donc voilà, le même Dieu, c'est le même témoin, donc ça va. C'est le témoin suprême, mais comment ils font pour choisir leur témoin, c'est ça? Et sans doute que bon, c'est simplement le même choix. les personnes les plus réputées, que tout le monde respecte, etc. Et qui opèrent pour les deux de la même manière. Et ça, c'est très